quand même anti-bâti notre système. C'est 8160, c'est MNR. J'en tiens pas compte ton système négatif. De gauche à droite, t'es du centre à l'extrême. Pareil quand même anti-bâti notre système. C'est 8160, c'est MNR. Encore un squid qui sort la tête haute. Nouvelle prod, nouvelle soute, nouvelle mode, nouvelle route. Encore un squid qui vient des Yvelines. Nouveau tech, nouvelle prose, nouvelle dose, un truc clean. TS9 vient faire parler le bloc-note de Marie Leroy, Kingston, du 7, de Bangkok. Un truc dramatique sur texte arithmétique, comme un problème mathématique basé sur des clics-clics. Comme le son est fat, comme ta prose est fat, comme ton son se fan, le hip-hop est notre fan. Fan de poésie urbaine qui nous coule dans les veines. De peine pour la paix, je souris Eric car je hais la haine. Je prends le plus et l'oeuvre, jette les pros d'intox. Le son sous ta qui taxe et vend à tous ses tocs. Bonbonne de gaz, MC, gaz et case. Les nazes qui croient que le son se case et que le son s'apprivoise. Je reviens par point dans ce dernier. Comme un appel d'un nouvel opus pour se baiser le système et donner confiance au minus. Et viens tester le RAP car il n'est pas mort. Viens tester nos métaphores et viens clasher nos oxymores. Appelle-moi poète si la prose t'a confondu. Mais rappelle-moi en quête d'un nouveau morceau qui tue. Génération hip-hop qui circule dans les hip-hods. Gros son dans les enceintes, le RAP enceinte. 10 piches qu'il doit mourir, 10 piches qu'il ressuscite. 10 piches de disque d'or et 30 piches dans les platines. De la danse au graphe, un gros pont dans les basses. Poète du bitume, c'est ta prose qui surpasse. C'est le RAP qui prône, qui a décroché le trône. De la cambrou jusqu'à la zone, le genre en est son zone. J'en tiens pas point dans ce dernier. De gauche à droite, t'es du centre à l'extrême. Pareil le même anti-bâti notre système. C'est 8160, c'est MNR. J'en tiens pas point dans ce dernier.